Oh, Paul. Oui. Bravo. Oh, quel joli coup. Vas-y, vise bien. Allez, à moi. Laisse-moi faire. C'est une question de doigté. Il suffit de bien la placer. Rebecca. Paul. Ah non, Paul, pas par là. Non, Paul. Rebecca, réveille-toi. Hein? Ah! Mais Vincent, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Je peux pas dormir. La chambre est infestée de termites. Elles sont là sous le plancher à ramper avec leurs petits creux. Je suis sûr qu'elles complotent quelque chose. C'est qui ce Paul? Un collègue de bureau. Tu sais, Paul, on avait l'habitude de jouer aux croquettes le jeudi soir. Dis-moi, Vincent, je comprends que tu puisses avoir de l'aversion pour tes petites bêtes qui, somme toute, ne font rien qu'à sucer du bois toute la journée. Mais si je peux te donner un conseil... Oui? Ne mets plus jamais les pieds dans ce lit, surtout quand je fais des rêves agréables. Allez, je me casse. Ouais, c'est ça, ouais. Tu refuses de voir la vérité en face. Tu t'es mis des œillères pour pouvoir supporter cette vie terrifiante. Mais je dois le dire, Rebecca, un jour tu verras, tu seras bien obligé de voir la vérité en face. Les sombres tractations secrètes qui hantent Bitbourg te rattraperont. Et c'est toi qui... Eh, attendez, vous n'allez pas le balancer le générique maintenant? Oh, j'ai pas fini, arrêtez-moi ça tout de suite. Non mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a arrêté le générique? C'est moi, j'avais pas fini, vous êtes qui, vous? Un des auteurs de ce feuilleton, de l'unité de divertissement de Prune? Qu'est-ce qui t'arrive, Vincent? Tu dérailles complètement. C'est toujours la même chose. À chaque fois que je commence mes longues tirades sur les conspirations de Bitbourg, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui m'empêche de continuer. Alors quand c'est pas Rebecca ou Monsieur le Maire, c'est le générique qui démarre en plein milieu. Mais je dérange ou quoi? Non, Vincent, tu ne déranges pas. Tu es tout simplement chiant. Ne le prends pas mal, hein. C'est dans la nature des choses. Quand on écrit un feuilleton, on crée des personnages drôles, des énervés, des peureux et tout ce que la nature humaine peut nous proposer comme trait de caractère. Toi, tu es chiant. Ah? Tu es naïf, enflammé, tenace, un vrai Don Quichotte. Mais quand tu pars dans de longs discours, tu es d'un ennui à mourir. Et l'auditeur ne s'y trompe pas. L'auditeur? Bah oui, l'auditeur. Il le sent quand c'est chiant, l'auditeur. Alors, quand tu commences à trop parler, on est obligé de te couper avec ce qu'on a sous la main. Rebecca, Monsieur le Maire, ou même le générique, quand il n'y a plus que ça. Ouais, alors je suis chiant, c'est ça? Pas toujours, pas toujours. Et puis c'est ce que l'auditeur aime, toi. Je suis chiant. On peut très bien vivre avec, tu sais. Ouais, ennuyeux à mourir. Tu vas voir, dans 3 épisodes, t'as une réplique mortelle. Bilan 27, 28, 29, 30, 27, 28, 29, 30, qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? 28, 29, 30, cette date me dit vaguement quelque chose, mais quoi? Un anniversaire, un enterrement? Un demi, s'il te plaît, Carole. Hein, quoi? Ah, c'est toi, Jean. Excuse-moi, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Je vois ça, que t'arrive-t-il? Ben, c'est que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui est un jour spécial, mais j'arrive pas à me rappeler pourquoi. Tiens, ton thé, Jean. Eh, mais c'est que... Quoi? Non, rien. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'aujourd'hui est spécial? Pour moi, c'est une journée comme les autres, c'est une journée où je me lève, où je n'ai encore rien à faire. Pour sûr que c'est spécial. Je ne marque jamais rien sur mon calendrier, et aujourd'hui, alors que je déchirais la feuille de la veille... Mais tiens, regarde toi-même, regarde à la date d'aujourd'hui. Attends, tu as inscrit « Certains hommes l'ont dès le matin et pêchent avec en 5 ». Qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire? C'est justement ce que je me demande, j'ai vaguement l'impression de passer à côté de quelque chose. Bah, ça va te revenir, ne t'inquiète pas. Ma mère me disait toujours « Si tu ne t'en rappelles pas, c'est que c'est pas important ». Bah oui, paix à son âme. Un matin, elle a oublié de respirer. Bah, on peut pas toujours penser à tout, hein. Mais dis-moi, Jean, ça avance tes recherches d'emploi? Bah, Carole, faut pas m'en vouloir, mais c'est qu'avec mes propres recherches d'emploi, j'ai pas eu le temps de te trouver un serveur. Bah, c'est pas très grave, y a rarement le coup de bourre ici. Et puis j'ai trouvé un nouveau truc. Ah ouais? Je sers tout en double. Quand on me demande un demi, je sers un sérieux et quand on commande un coca, je donne la bouteille de 2 litres pour un thé. Carrément une gourde, je sais. Oh mais il me vient une idée. Ah, ça fait toujours plaisir une idée. Ça me rappelle le couple du 02 40 21 32 68 10 rue des Pommiers. Arrête de déconner, Carole. Je suis sérieux, moi. Tout ce que tu sers ici peut se trouver chez Abdul Pola l'épicier, non? Bah oui, autant que je m'en souvienne, on a toujours trouvé de tout chez Abdul Pola. Ah, eh bien, t'as qu'à envoyer tes clients à l'épicerie. Comme ça, tu contentes tout le monde et tu n'as plus besoin de serveur. Mais c'est une idée de génie. Et comme ça, t'es plus emmerdé. Eh, pas con, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, vous parlez de moi, c'est ça? Jean Branle-Pahume me faisait part d'une méthode miraculeuse pour avoir moins de boulot. Vous vous moquez de moi parce que je n'ai toujours pas mis à jour les conspirations qui se trament à Bitbourg, hein. Et tu vas carrément économiser de l'argent. Pense donc un salaire de serveur en plus. Mais c'est que depuis l'évasion d'Alberto, je crois que ceux qui tirent les ficelles se méfient. Ils font preuve d'encore plus de machiavélisme pour que personne ne se doute de rien. Ouais, riche comme un nazis. Allez, c'est ma tournée. Ah mais vous me croirez pas. Vous rendrez pas compte que vous pourrez vous lâcher. Excusez-le, il a très mal dormi cette nuit. Mademoiselle, comment déjà? Ça fait plaisir de vous revoir, il y a si longtemps. Depuis hier, 22h, heure à laquelle je suis montée me coucher. Ah, mais quand on aime, on compte pas. Et à bon chat, bon rat. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à votre petit ami? Il aime pas le confort de la joyeuse goutte? Ce n'est pas mon petit ami. Il dort par terre. Monsieur s'est plaint des petits insectes qui l'empêchaient de trouver le sommeil. Du coup, il a essayé de monter sur le lit toute la nuit. Mais c'est vrai, Carole, il y a plein de termites dans votre café. Je les entends grouiller, ramper sous le plancher de manière sournoise. Je suis sûr qu'elle complote quelque chose. Bah, c'est la saison. Les termites reviennent de leurs vacances à Ibiza et s'installent dans mon café. Vous savez ce que c'est, une termite? C'est comme un éléphant, ça ronge énormément. T'en bats la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se casse. J'ai parfois l'impression que les gens de cette ville ont une origine génétique complètement différente de la nôtre. Il faudra un jour que nous parlions des origines de Bitbourg. Bah, cela n'intéresserait personne. Par contre, elle me turlupine, cette histoire de termites. Bah, c'est bien à cette période-là qu'il se passe quelque chose, mais quoi? Toujours ce curieux rébus sur ton calendrier. Bah, ça va me revenir. Le 30... Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de particulier aujourd'hui? Bon, Carole, si dans votre café vous n'offrez pas le confort, vous pouvez au moins nous servir le petit déjeuner? Ça dépend, vous voulez quoi? Alors pour moi, ce sera un grand thé et du pain de seigle. Je n'en mange jamais, mais je suis sûre que j'adore ça. Et moi, un grand noir et 2 croissants. Bien, d'accord, j'ai pris la commande. Vous n'avez plus qu'à aller chercher tout ça chez Abdul Pola. Comment ça? Bah, c'est une idée de Jean. Pour éviter de prendre un serveur pour les coups de bourre, il m'a conseillé de délocaliser. Chez Abdul Pola? C'est qu'on trouve tout là-bas. Mais ça va pas. Et puis, il y a des prix défiant toute concurrence. Allez, comme c'est vous, je vous propose de venir prendre vos petits déjeuners ici. Mais vous pétez les plombs, Carole. C'est de la folie furieuse. En tout cas, moi, je ne bougerai pas d'ici. Et j'exige mon petit déjeuner tout de suite. Vous n'êtes pas très charitable. Alors on se met en quatre pour ses clients tout en essayant de ne pas faire mourir le petit commerce. Et voyez comme on est récompensé. Carole, j'aurais peut-être une idée. Jean, mon ami, je voudrais pas être comme le 05 54 25 25 35 125 boulevard Grandjean. Mais tes idées... Non, attends, écoute-moi. Ce qu'il te faudrait, c'est un coursier. Un coursier? Un coursier? Un coursier? Un coursier? Mais vous êtes qui, vous? Salut, c'est Omar Sharif. Comme vous le savez, le tiercé, le quarté, le quinté plus, c'est mon dada. Alors, si vous désirez un courtier, lisez Tiercé Magazine. Non merci, monsieur Sharif, on ne veut rien. Mais vous êtes sûr? J'ai bien entendu que... Je vous assure, tout va bien. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais... Allez, il faut y aller maintenant. Ah, ces représentants. Dis-moi Jean, est-ce que tu pourrais être plus clair sur cette histoire de boursier? De coursier, Carole, de coursier. Alors voilà. Si tes clients ne veulent pas aller chez Abdul Pola, il te faudrait quelqu'un pour aller chercher leur commande. Ça c'est bien dit, mais où trouver cette personne? Bah laisse tomber, on en revient au problème du serveur. C'est l'éléphant qui se mord la queue. Ça fait longtemps que je ne me suis pas plongé dans l'almanach Vermo. Je me sens largué. Bon, en tout cas, en attendant de trouver un coursier, voici votre petit déjeuner, servi directement à votre table. Ah enfin, ce bistrot commence à reprendre des allures de bistrot. Ah, oublions cette nuit et commençons la journée avec ce bon repas. Un café fumant, des croissants appétissants. Vraiment, Rebecca, c'est le genre de début de journée qui me file la... Goal. Mais Rebecca, tu sais à quel point tu me peines quand tu dis ce genre de choses. Tu sais très bien ce qu'il en est pour... Mais non, je ne parlais pas de ton cas. Je lisais ce qu'il y avait inscrit sur le calendrier de Carole. Mais ce n'est pas ce qui a marqué sur mon calendrier. Certains hommes l'ont dès le matin et pêchent avec, en 5. C'est la Gaule, pour pêcher des poissons. Je suis une accro des mots croisés. Bon Dieu, ça me revient. Quoi, la conscience professionnelle? La date d'aujourd'hui, c'est la date du concours de mots croisés. Explique-toi, Carole. Oui, soyez plus clair. Eh bien, cela remonte à quelques années. J'étais jeune et j'arpentais le monde en quête de championnats de mots croisés. Il faut dire que j'étais plutôt doué à ces petits jeux d'esprit. J'avais réussi à me qualifier à la grande finale des Masters et le premier prix était un bistrot débit de boissons dans la ville de son choix. Autant dire que je n'en menais pas large. Et pourtant, ce jour-là... Eh bien, bravo, Carole. Vous avez gagné. Tiens, la coupe. Carole, vous avez vraiment une vie trépidante. Allez hop, on finit son verre et son petit déjeuner. Allez hop, hop, hop, hop, hop, on ferme. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous fermez la joyeuse goutte, là? On dirait bien, chaque année, pour fêter ça, je ferme le café, m'enferme dans ma chambre et fais des mots croisés sans boire ni manger jusqu'au lendemain. C'est la tradition et on ne plaisante pas avec la tradition. Allez, dépêchez-vous, je ferme, je vous dis. Mais nous, on habite ici, comment on va faire? Bah, je vous fais confiance, vous trouverez bien. Vous n'avez qu'à faire des mots croisés. Oh oui, des mots croisés! Je déteste les mots croisés. Rabat-joie. Eh bien, vous n'avez qu'à emmener votre dame au bowling. Oh oui, au bowling! Comment? Y a un bowling à Bitbourg? Aussi loin qu'on s'en souvienne, il y a toujours eu un bowling à Bitbourg. Et puis, il faut bien que les habitants se détendent et s'amusent devant une bonne boule de bowling et des bonnes quilles. Mais il est où, ce bowling? Bah, dans la grande rue centrale de Bitbourg, à côté de la station-service et du tabac journaux. Mais Jean va vous montrer. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire. Des grilles, des grilles, des grilles! Allez, où tout le monde? Dehors, le championnat a besoin de concentration! Dites-moi, Jean, il est devenu complètement fou, Carole. C'est bien toi, ça, de traiter de fou les personnes qui proposent des activités saines. Oh, vous savez, on a tous nos petites manies, comme nos petits secrets. Tenez, prenez-moi, par exemple. En pleine rue, cela me semble peu indiqué. Facile. Mais non, moi, par exemple, personne ne soupçonne que sous mon air débonnaire et naïf, en fait, je... Oui. En fait, j'ai bien envie de me faire un bowling. Vous venez? Un jour, je comprendrai. Un jour, je comprendrai. Et là, il me dit, mais je n'en pense pas moins. Alors moi, je me démonte pas, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis tout de go, c'est toi qui as dit ça? Non mais attends, hein. Et puis, il s'approche de moi et il me répond, ouais, c'est moi qui ai dit ça et j'en pense pas moins. Tu te rends compte? Oh non mais attends, et puis moi je le fixe, je me laisse pas démonter, hein, et je lui balance, c'est toi qui as dit ça? Oui, qu'il me répond. Et si tu savais ce que j'en pense, eh ben j'en pense pas moins. Alors là, j'en pouvais plus, hein. Je m'approche aussi et je lui dis... C'est toi qui dis ça? Alors, bon, je te laisse. J'ai un rendez-vous. Oui, bien, bon, bien sûr, je te rappelle, hein. Oui, tu auras la suite de l'histoire. T'inquiète pas. Monsieur le directeur de la prison, comme ça fait plaisir de vous voir. On ne vous voit pas souvent ici, hein. C'est que j'aime avoir les cheveux longs. Cela me donne un air plus séduisante. Oui. Bon, installez-vous confortablement. Alors, qu'est-ce que je vous fais? Une petite brosse? Une brosse? Oh non, une brosse, cela vous irait à ravir. Ça va renforcer votre côté homme d'action. Je préférais que vous me fassiez simplement les pointes. Ah mais, c'est que cela ne va pas du tout. Avec tous ces cheveux longs, vous allez avoir l'air d'un beatnik. Pour un homme qui représente l'autorité à Bitbourg, cela fait un peu tâche. Et rasé, ça ne vous dirait pas? Rasé, la boule à zéro, comme les prisonniers, ça forcerait le respect. Peter? Oui, monsieur le directeur? Je suis une femme! Une femme! Femme, j'ai un corps de femme, je pense comme une femme, je fais pipi assise, je déteste le football, et moi aussi je peux passer des heures au téléphone. Oh mais calmez-vous, qu'elle est susceptible celle-là alors? Une femme c'est susceptible et ça a parfois des accès de colère. Je suis une femme donc c'est normal que je m'énerve. Et tiens, puisque je suis une femme, vous allez me faire la totale avec bigoudi, mise en pli, coloration et s'il vous plaît, pas de gel, c'est ringard. Je veux de la cire. Bon, d'accord, monsieur le directeur, ne vous énervez pas, c'était juste des conseils professionnels. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire la tête d'une vraie femme fatale. Femme, ça suffira. Ne bougez pas, je vais chercher mon matériel de compétition. C'est ça. Alors, une revue, femme actuelle déjà lue, Biba. Tiens, un hors-série d'Auto Plus. Les gars de nos gens sont pleins dans la merdouille. Ils savent qu'ils peuvent compter sur leur bonne paire de... Surveillant Maton, qu'est-ce à dire? Ben, ce que vous chantiez, là, l'hymne du 3e régiment d'infanterie de nos gens, vous n'y étiez pas? Surveillant Maton, regardez-moi bien. Oui, monsieur le directeur. Ne voyez-vous pas quelque chose qui aurait pu m'empêcher de rejoindre ce fort plaisant régiment vous officiez? Eh bien, c'est que... Oh, d'accord, vous êtes une femme. C'est cela, Surveillant Maton, et une femme ne peut faire son service militaire avec des hommes, surtout à nos gens. C'est ça aussi, être une femme. Oui, c'est cela, une femme, j'oublie tout le temps. Oui, bon, passons. J'imagine que ce n'est pas pour fredonner des champs militaires avec moi que vous vous êtes déplacé. Oh non, voilà, j'ai reçu un appel de mon pote, Achille. Achille? Oui, vous le savez, Achille, celui qui bosse au renseignement particulier de Bitbourg. C'est un expert en blagues sur les nains. Tenez, qu'est-ce qui est petit et qui sent les pieds? Je ne sais pas, moi, un nain qui sent des pieds? Oh, vous la connaissez déjà, ben... Bon, bref, quelquefois, il me file des bons tuyaux sur la ville et tout ça. Et là, je crois que j'ai le scoop. Eh bien, parlez, Surveillant Maton. Ah oui, des ragots. Ah, Peter, commencez ma coupe, je vous prie. Tout de suite. Vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur le Maire et Vincent David sont partis faire leur campagne à Nantes? C'est exact. Et là-bas, ils ont été accueillis par Prune, la radio nantaise, 92 FM. Oh, la même fréquence que Bitbourg FM. Eh bien, Sandaline, la présidente de Prune, a été très intriguée par Bitbourg, et elle a décidé de venir voir sur place ce qu'était réellement notre ville. Oh, mais c'est formidable! Bitbourg n'a que trop peu de contacts avec l'extérieur. Ce sera l'occasion d'associer les deux radios et peut-être même nos deux villes. Il doit y avoir des coiffeurs charmants à Nantes. Mais ce n'est pas tout. Il paraîtrait, selon Achille, que Sandaline et Monsieur le Maire se seraient très bien entendus lors de ce séjour à Nantes. Et lors d'une soirée un peu arrosée, vous savez comme Monsieur le Maire peut boire. Ça oui, une fois il m'a même vidé tous mes flacons d'aftershave. Eh bien, Monsieur le Maire aurait proposé des subventions à Sandaline. Non. Si, et Sandaline aurait en échange proposé des partenariats et des actions de communication pour promouvoir notre bonne ville de Bitbourg. Non. Si, mais il y a un hic. Eh bien parlez, Surveillant Maton, qu'y a-t-il? Eh bien, elle devait arriver tôt ce matin, et nous n'avons toujours pas de nouvelles. Après, on nous a dit qu'elle a bien pris le train hier soir pour Bitbourg. Eh bien, qu'attendez-vous là? Il faut la retrouver. Allez, hop, Surveillant Maton, au boulot. Retournez-moi chaque pierre de Bitbourg et trouvez-la-moi. Et vous, Peter, aidez-le. Mais, et votre mise en pli? Ma mise en pli attendra, Peter, il faut absolument retrouver cette femme. Je me demande où elle peut bien être. Wow! Strike! Encore un! Rebecca, cela fait ton 20e strike de suite. À vous maintenant, tu as déjà joué au bowling? Et de 21. Non, je n'ai jamais joué. Mais c'est pareil que le croquet, sauf qu'il n'y a pas de maillage et pas d'arceau. Et paf! Encore un strike! C'est magique. Ouais, bien moi je trouve ça déprimant. Tu dis ça parce que tes 15 lancers ont lamentablement échoué dans la gouttière. Sans compter le patron du bowling qui a failli perdre sa rotule gauche. Peut-être que ton truc, c'est plus le combat à l'arme de contact que le bowling. Mégère. Jaloux. Bon allez, ça suffit. Allons fêter ta victoire au bar. Super! C'est ma tournée! Rebecca, c'est quoi ce bruit? C'est peut-être les termites qui t'ont retrouvé? Non, vraiment, écoute ce brouhaha, on dirait une foule qui approche. Ce n'est pourtant pas la saison des touristes japonais? Non, regarde là-bas! Oui, non, non, oui, organisez un rendez-vous! Oui, non, oui, faites imprimer 50 000 fly! Téléphonez responsable! Oui, non, envoyez-lui un fax! Oui, non, non, oui! Une fourchette à ragoût? Sandaline? Bonjour, mon nom est Sandaline, je suis présidente de Prune 92 FM, site internet www.prune.net, téléphone 02 40 12 09 12, voici ma carte, amenez-moi votre chef. Regardez, ça doit être le monsieur derrière la caisse enregistreuse. Monsieur, j'ai été ravie de vous connaître, allons-y. Et mettez une chemise saumon, ça part sortir vos yeux. T'as vu ça? Ah ça, je t'ai toujours dit qu'avec une chemise saumon, tu serais... Mais non, elle m'a même pas reconnue. Oh, tu sais, elle doit être vraiment occupée avec ce qu'elle a à faire. Justement, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Est-ce que tu as pris la photographie? absolument besoin du dossier sur la réalité. Bonjour, mon nom est Sandaline, je suis présidente de Prune 92 FM, site internet www.prune.net, téléphone 02 40 12 09 12, voici ma carte. Vous êtes le patron de ce complexe sportif ? De ce modeste bowling, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour votre service ? Deux, trois trucs. Il y a deux pistes qui ne sont pas parfaitement à niveau, les joueurs débutants ne s'en aperçoivent pas et loupent tous leurs coups. Alors ils se découragent et ils ne reviennent pas, et ça, c'est un manque à gagner. C'est que... Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre ? C'est notre cocktail local, le Bitburg. Oui, oui, je l'ai vu sur la carte. Pas très design, cette carte, d'ailleurs. Enfin, cette boisson n'est pas assez chère. Elle représente la plus grosse vente de votre entreprise, et vous négligez le rapport qualité-prix. Mais qu'est-ce que... Attendez, laissez-moi finir. Si vous serviez votre cocktail avec une paille et une simple rondelle de citron, vous en feriez une boisson de prestige. Du coup, vous la mettez au double de son prix actuel, ce qui vous procure une substantielle plus-value, ce qui vous permet de vous agrandir. C'est quoi derrière, là-bas ? C'est là que je vais avec ma femme et mes 5 enfants. Gaspillage ! Quand vous avez des clients, vous ne dormez pas ? Bah non ! Alors pourquoi ne pas utiliser les pistes pour dormir ? Vous abattez cette cloison derrière vous, vous rajoutez 5 pistes, vous placez l'argent, et quand vous en avez assez, au bout de 22 mois selon mes calculs, vous ouvrez une succursale. Mais c'est que... Non, attendez, écoutez-moi. Fermez les yeux une seconde, ok ? Et imaginez tout ce que vous pourriez avoir en réglant de simples petits détails. Il est bon votre cocktail ? Mais comment ? Alors je vous en prends 10 et je vous achète une piste. Une piste ? Ben, je dois vous faire un aveu. Je déteste le bowling. Mon truc, ce serait plutôt le patinage artistique. Alors, je vais recouvrir cette piste de glace et patiner jusqu'au bout de la nuit. Wouh ! Allez, on y va ! Wouh ! On a absolument besoin du dossier sur la réalité. Monsieur Robert est prévu cet après-midi. On est la photo de... Ah bah ça alors. Qui c'était ? C'est rien, Brigitte. Fermez les yeux et imaginez. Fermez les yeux. Ah ben ça, t'as vu ? Elle manque pas d'air. Manque quoi ? Elle patine sur une piste de bowling. Je ne vois pas où est le problème. Moi, si je pouvais, je me ferais installer une bonne piste de croquet. Et allons-y les sensations. N'empêche que c'est louche. Et même ça cache quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été prévenu. Mais que fait mon informateur secret ? Je crois que j'ai assez joué. Je vais rentrer maintenant. Déjà ? Mais on commençait tout juste à s'amuser. Il y a un temps pour tout, et puis j'ai du travail. Du travail ? Mais Jean... Il faut que je cherche du travail, voilà. Alors, allez, à bientôt et merci, merci pour la partie. Ouais, salut Jean. Rebecca, je crois qu'on va y aller aussi. Il est tard, je n'aime pas ce qui se passe ici, je sens que Bitbourg a besoin de moi. Et moi, je n'ai plus de place sur ma feuille de marque. Tiens, tes chaussures. Je me demande tout de même pourquoi Larynx ne m'a pas contacté. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu es fou ? Mais il y a un truc au fond de ma chaussure. C'est une cassette. C'est étrange. Oui, c'est étrange. Tu n'es pas producteur ? Pourquoi des artistes t'enverraient-ils des cassettes ? Il s'agit certainement d'autre chose. Tu as toujours ce petit magnéto cassette que je t'ai offert ? Oui. Tiens. Vincent ! C'est moi, Larynx. Larynx ? Oui, Larynx géant, votre informateur secret. Il faut que je vous parle de toute urgence. Rejoignez-moi tout de suite au point de rendez-vous numéro 26. Attention, cette bande va s'autodétruire. Pas très au point, sa technique. Il t'a parlé du point de rendez-vous numéro 26. Mais non, s'il a dit numéro 26, cela veut dire qu'il m'attend au point de rendez-vous numéro 17. Eh bien, c'est pas facile la vie d'espion. Et le point 17, c'est quoi ? Si je me rappelle bien, il s'agit de... Pédalo ! Pédalo ! Pédalo à louer, louer mes pédalos, ils sont insubmersibles mes pédalos. Bonjour, je voudrais louer un pédalo. Comment ? Un pédalo ? Bah oui, comme vous le proposiez tout à l'heure. J'ai de splendides transats. Vous vous installez, vous vous reposez, vous bronzez. Ouais, mais moi je voudrais faire un tour de pédalo. Vraiment ? Mais pourquoi ? C'est personnel. Je vous préviens, c'est cher. Combien ? C'est 10 000 francs la demi-heure. Quoi ? Et vous êtes obligé de prendre une heure. Et il y a marqué là que le premier tour est gratuit. Eh bien, allez-y, monsieur, tout. Embarquez dans mes pédalos tout pourris. Allez vous éclater sur cette pauvre mare de 2 mètres de diamètre. Faudra pas vous plaindre après, comme tous les autres. Hein. Oh, bah finalement, c'est pas si drôle que ça, le pédalo. Ils sont nuls, vos pédalos. C'est le moment le plus désagréable que j'ai jamais passé. Allez-y, barrez-vous avec votre pédalo de merde. Salut et bon vent. Ce type est fou. Je crois que j'ai bien fait de ne pas lui demander de gilet de sauvetage. Bon, où peut bien être la Rinx ? Ah mon dieu ! Un monstre marin ! Rabattre ! Tout va marcher ! Crains ! Crains ! Ne craignez rien ! Je vais vous aider ! Ouf, merci la Rinx. Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenu. Il faut faire attention, il y a de nombreux monstres marins dans le coin du lac. Ils sont particulièrement attirés par les pédalos. Mais je ne suis pas venu pour ça. Il y a beaucoup plus grave, l'avenir de Bilbo est en jeu. Oui, Larynx. Carole qui fait une pause mot croisée. Sandaline qui débarque à Bitbourg. Expliquez-moi. C'est que ce n'est pas si simple. Tout d'abord, oubliez Carole. Il a gagné son café La Joyeuse Goutte grâce à un concours de mots croisés. Et je ne m'en plains pas. Enfin, je veux dire que personne ne s'en plaint à Bitbourg. Non, la vraie question est... Que fait vraiment Sandaline à Bitbourg ? C'est pas plutôt à moi de poser cette question ? Allons Vincent, c'est de la pure rhétorique. J'ai beau avoir des informations, laissez-moi y mettre un peu de mise en scène. Alors, qu'avez-vous vu ? Eh bien, d'après ce que j'ai appris, Sandaline est venue à Bitbourg pour obtenir des subventions, proposer des partenariats et donner des conseils en communication. Je l'ai vue au bowling et je dois reconnaître qu'elle est impressionnante. Oui, moi aussi, je l'ai vue. Mais comment vous étiez là ? C'est mon travail d'être présent quand il se passe quelque chose. Oh, attention, un monstre marin. Oui, merci. Cela ne vous gêne pas trop, toutes ces algues qui vous recouvrent ? C'est le prix à payer si je veux rester caché. Je crois savoir que Sandaline envisage de visiter tous les commerces de Bitbourg pour... dit-elle, faire un bilan de la ville. Et alors ? Eh bien, à quelle occasion fait-on un bilan de la ville ? C'est quand on veut se présenter comme maire. Non, non, autre chose. Ce bilan, qu'est-ce qu'elle va en faire ? Eh bien, j'imagine qu'elle va le montrer à d'autres personnes, à Nantes. Oui, mais pourquoi ? Eh bien, j'imagine qu'elle veut présenter Bitbourg sous un bon jour. Mais dans quel but ? Elle veut faire de la publicité de Bitbourg, quoi. Oui, c'est ça, de la publicité. Et pourquoi fait-on de la publicité ? Eh bien, pour vendre. Oh, mais c'est ça le but secret de Sandaline. C'est de vendre Bitbourg au plus en francs. Elle n'hésitera pas à la brader, il faut absolument que vous empêchiez ça, Vincent. Bon Dieu, oui, il n'y a pas une seconde à perdre. Merci, Larynx. Tout travail mérite salaire, c'est 300 francs. Mais c'est encore plus cher que d'habitude. C'est que j'ai dû m'acheter une combinaison de plongée. Bon, et je les mets où ? Là, sur le tas d'algues. Eh bien voilà, prenez. Moi, je dois au plus vite déjouer les complots qui sourdissent à Bitbourg. Allez, vite, vite ! Eh, mais Vincent, où avez-vous mis l'argent ? Vincent ! Ah, un monstre marin, mais c'est lui qui a mes 300 francs ! Allez, crash ! Crash ! Crash ! Que veut exactement Sandaline ? Vincent arrivera-t-il à déjouer enfin son premier complot ? Comment Carole peut-il aimer ce passe-temps stupide que sont les mots croisés ? Et surtout, car personne ne se l'est demandé, où sont monsieur le maire et monsieur son conseil ? Monsieur son conseil ! Monsieur son conseil ! Réveillez-vous ! Revenez à vous ! Je vous promets, je n'essaierai plus de faire des loopings avec cet avion ! Monsieur son conseil ! Comment ça se conduit, ça ? Monsieur son conseil, reprenez-vous ! Il y a beaucoup de sang, mais je suis sûr que vous n'avez qu'une petite pause passagère ! Alors, vous allez reprendre les commandes et empêcher cet avion de tomber à pic, hein ? Hein ? Monsieur son conseil ! Vous saurez tout cela dans le prochain épisode de Aussi loin que s'en souviennent les lilas. À la semaine prochaine, même bit heure, même bit fréquence.